marché ce matin. Y'avait sur le porche de la guinguette des gars déguisés en marin. Vous conviendrez que c'est étrange et que c'est même un peu rigolo. On dit qu'on n'a même pas de mer et qu'il n'avait même pas de bateau. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il parle du tranquille. Qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige, mais qu'en sera-t-il donc après? Et voilà matière à débat qui agrémente la discussion. La météo dans ses ébats qui est censée nous rendre moins cons. Celui qui a rendu les pleurs, qui nous a fait sortir plus grand, bien qu'il manquait un peu de couleur. C'est vraiment nice qu'on peut apprendre toute cette vie dans ses pixels. Savoir qu'au fin fond de la terre, il y en a qui mangent des verres. Les étudiants dans la part du dessus, le colique, qui font le vacarme jusqu'à l'aube. On leur a bien appelé les flics afin qu'ils obtiennent leur diplôme. Et ce feignant qu'on voit traîner, qui prône la profession de chômeur, on a de cela dans toutes les cités à dégoûter d'être. Faut dire, voyez-vous, cher Peter, tant pis, un temps où tout fout le camp, il est même plus question d'honneur quand on répond à ses parents. L'incite aurait dit, paraît-il, que ce serait la faute du nouveau, et qu'il faut pas trop se faire de mille, même s'il fait baisser le niveau. La boîte à 3,04 euros. À ce prix, là, pas le temps de dire où vive l'altruisme de l'être humain. Tiens, t'as mis cette tenue aujourd'hui. C'est vrai que le temps est un peu lourd. Puis ça te donne un air joli. Puis ça va bien avec. Oh, monsieur Ri nous a quittés. Ma foi, c'était un vrai connard. Que ses enfants doivent être payés. On se vengera sur eux. Ah, vive les discussions à la con qui servent tout le temps à passer le temps comme si c'était pas dans le silence. On était le plus intelligent.